Coco. Le vrai mur de coquillage rose. Une odeur écœurante et maléfique de miel moisi. D'un bleu violet de mer, d'un bleu violet.